Chapitre 10e. De retour à Sivio, Mr. Noel Vanstone suivit les instructions qui réglaient sa conduite pendant la première des 5 journées avec une irréprochable exactitude. Un faible sourire de mépris errait sur les lèvres de Mrs. LeCount pendant qu'on lui racontait la tentative de Mr. Bygrave essayant de vendre comme originaux de misérables copies. Mais ce récit achevé, la femme de charge ne se donna pas la peine d'y ajouter la moindre remarque. « C'est bien ce que j'avais prévu, » pensa Mr. Noel Vanstone, qui, à la dérobée, observait soigneusement sa physionomie. Elle n'en croit pas le premier mot. Le lendemain, la rencontre convenue eut lieu sur le champ de parade. Mr. Bygrave ôta son chapeau, et Mr. Noel Vanstone détourna la tête. Un tressaillement de surprise, un regard indigné, furent mimés par le capitaine avec une rare perfection. Mais Mrs. LeCount, bien évidemment, n'en fut pas la dupe. « Je crains, monsieur, que vous n'ayez aujourd'hui blessé l'amour-propre de Mr. Bygrave, » remarqua-t-elle non sans ironie. « Heureusement pour vous, c'est un excellent chrétien, et j'ose prédire que d'ici à 24 heures, il vous aura pardonné. » Mr. Noel Vanstone s'abstint sagement de toute réponse qui le put compromettre. Une fois encore, il applaudit en secret à sa propre pénétration. Une fois encore, il triompha in petto de son ingénieux ami. Jusque-là, les instructions du capitaine étaient trop précises et trop simples pour que personne s'y pût méprendre. Mais avec la marche du temps, leurs complications s'aggravaient. Et Mr. Noel Vanstone, dès le 3e jour, commit une erreur légère. Lorsqu'il eut exprimé à quel point il trouvait ennuyeux le séjour d'Aldborough et combien il désirait s'en éloigner, il lui fut répondu, comme il s'en était douté d'avance, par une suggestion immédiate de la femme de charge qui lui conseillait une visite à St. Crux. Ce fut dans sa réponse à l'insinuation ainsi faite qu'il commit sa première erreur. Au lieu de différer sa décision jusqu'au lendemain, il accepta, le jour même où elle lui était offerte, la suggestion de Mrs. LeCount. Les conséquences de cette erreur n'étaient pas fort essentielles. La femme de charge se mit simplement à guetter son maître un jour plus tôt qu'on ne l'avait calculé, résultat auquel il avait été pourvu par ces sages mesures de précaution qui interdisaient à Mr. Noel Vanstone toute communication avec North Shingles, soupçonnant, comme le capitaine O'Reilly l'avait prévu, la sincérité du désir qu'affichait son maître de rompre en partant pour St. Crux, ses relations avec les Bygrave. Mrs. LeCount comptait vérifier si ce soupçon était ou non fondé, en veillant avec soin sur tous les indices de communication secrète qui se pourraient produire d'une ou d'autre part. L'attention stricte, que jusqu'alors elle avait mise à surveiller les allées et venues autour de North Shingles, se concentra tout entière sur son maître. Pendant le reste de cette 3e journée, elle ne le perdit pas de vue un instant, et sous aucun prétexte que ce fût, ne souffrit qu'aucune personne entrée dans la maison eût chance de l'entretenir seule, même pendant 1 minute. Par intervalle, durant la nuit, elle vint à la dérobée, jusqu'à la porte de la chambre où il couchait, s'assurer en écoutant qu'il était bien dans son lit. Et le matin suivant, avant que le soleil fût levé, le garde-côte, faisant sa ronde, fut étonné de voir une dame levée aussitôt que lui et travaillant déjà derrière une des fenêtres de l'étage supérieur à Sivio. Le 4e jour, Mr. Noel Vanstone descendit au déjeuner, sachant à quoi s'en tenir sur l'erreur qu'il avait commise la veille. Pour gagner du temps, il fallait, ceci était clair, déclarer que son parti n'était pas encore tout à fait pris. C'est ce qu'il affirma hardiment, lorsque la femme de charge lui demanda s'il comptait se mettre en route ce jour-là même. Comme auparavant, Mrs. LeCount ne fit aucune remarque. Comme auparavant, on put lire sur son visage les signes manifestes d'une incrédulité méprisante. Elle était certes habituée à voir vaciller les impuissantes velléités de son maître, mais dans cette circonstance, elle attribua sa conduite capricieuse au dessein de gagner du temps pour se ménager les moyens de communiquer avec North Shingles. Elle se mit alors à le surveiller avec une vigilance 2 ou 3 fois plus assidue. Aucune lettre n'arriva ce matin. Vers midi, le temps devint fort mauvais, et on dut renoncer à l'idée de sortir comme d'habitude. Heure après heure, tandis que son maître était assis dans l'un des salons, Mrs. LeCount montait la garde dans l'autre, tenant ouverte la porte du corridor et continuant à espionner North Shingles par une croisée latérale, éminemment commode, où elle avait élu domicile. Pas un signe suspect ne se produisit, pas un bruit suspect n'éveilla son attention. Vers la fin de la soirée, l'hésitation de son maître sembla cesser. Le mauvais temps l'assommait. Il était fatigué d'Aldborough. L'idée de se rencontrer encore avec Mr. Bygrave le contrariait par avance. Et il était décidé à partir pour St. Crux dès qu'il serait levé le lendemain matin. La femme de charge fut un peu ébranlée par l'accent et l'attitude de son maître, tandis qu'il donnait ses ordres précis. Elle était bien convaincue qu'il n'avait pu, d'aucune façon quelconque, se mettre en rapport avec North Shingles, et cependant, il paraissait résolu à quitter Aldborough aussitôt que l'occasion lui en serait offerte. Elle hésita, pour la première fois, à persister dans ses conclusions. Elle se rappela que son maître s'était déjà plaint des Bygrave avant leur entrée dans Aldborough. Elle était forcée de convenir que sa propre incrédulité l'avait déjà égarée une fois, lorsque l'apparition de la voiture de voyage devant la porte de Mr. Bygrave lui avait prouvé à sa grande stupéfaction que ce personnage lui-même pouvait, de temps à autre, se montrer fidèle à ses engagements. Néanmoins, Mrs. LeCount résolut d'agir jusqu'au bout avec une inflexible prudence. Ce soir-là, quand la maison fut fermée, elle enleva secrètement les clés des deux portes par où l'on pouvait y pénétrer. Elle ouvrit ensuite doucement la fenêtre de sa chambre à coucher et s'y installa paisiblement, son manteau sur ses épaules, son chapeau sur sa tête, pour éviter de prendre froid. La chambre de Mr. Noel Vanstone ouvrait du même côté de la maison. Si donc quelqu'un profitait des ténèbres pour venir lui parler par le jardin, la femme de charge se trouverait entière dans la conversation. Ainsi, prémunie de tous côtés et prête à intercepter toute forme de communication clandestine que la ruse eût pu inventer, Mrs. LeCount demeura au guet pendant toute cette nuit paisible et sereine. À la pointe du jour, elle descendit furtivement, avant que la domestique fût levée, remit les clés en place et reprit son poste dans le salon jusqu'à ce que Mr. Noel Vanstone fût venu s'asseoir au déjeuner. Aurait-il par hasard changé d'avis? Nullement. Il refusa, par esprit d'économie, de se faire conduire en poste jusqu'au chemin de fer. Mais il se montra tout aussi résolu que jamais à partir pour St. Crux. Il manifesta le désir qu'on pût lui assurer une place d'intérieur dans la diligence du matin. Méfiante jusqu'au bout, Mrs. LeCount chargea le garçon du boulanger d'aller retenir cette place. Les services de cet homme étaient acquis au public, et Mr. Bygrave ne pourrait se douter de la mission particulière dont il se trouvait ainsi chargé par hasard. La diligence vint à Seaview. Mrs. LeCount vit son maître installé à la place qu'elle avait fait retenir pour lui et s'assura que les trois autres étaient déjà occupés par des personnes étrangères. Elle demanda au cocher si les banquettes d'impérial, lesquelles n'étaient pas encore entièrement garnies, avaient aussi leur plein contingent de voyageurs. La réponse fut affirmative. Le cocher devait aller prendre deux messieurs en ville et chargera le reste à l'auberge. Mrs. LeCount se dirigea immédiatement du côté de l'auberge et s'embusqua sur le champ de parade situé en face, de manière à voir la diligence lorsqu'elle s'ébranlerait, enfin au grand complet. 10 minutes après, la bruyante machine s'éloignait, garnie à l'intérieur, garnie au dehors, et la femme de charge avait pu s'assurer de ses propres yeux que ni Mr. Bygrave lui-même, ni aucune personne appartenant à l'établissement de North Shingles ne figurait au nombre des voyageurs. Il ne restait plus qu'une seule précaution à prendre, et Mrs. LeCount se garda bien de la négliger. Mr. Bygrave avait, sans nul doute, vu la diligence s'arrêter devant Seaview. Il pouvait, à tout hasard et par simple désir d'information, louer un cabriolet et la suivre jusqu'au chemin de fer. Aussi Mrs. LeCount demeura-t-elle en vue de l'auberge, l'unique endroit où l'on put se procurer un cabriolet, pendant près d'une heure encore, au guet des événements. Mais rien n'arriva. Aucun cabriolet ne sortit de l'auberge. Il était impossible désormais de suivre les traces de Mr. Noel Vanstone. La longue tension d'esprit de Mrs. LeCount finit par se relâcher. Elle quitta le banc qu'elle occupait sur le champ de parade et s'en revint, un peu plus gaie qu'elle ne l'était depuis quelques jours, achever à Seaview les rites consacrés pour la fermeture d'une maison. Elle s'assit toute seule dans le salon et poussa un long soupir de soulagement. Le capitaine Reig avait calculé juste. L'incrédulité de la femme de charge avait enfin cédé devant le témoignage de ses propres sens, et domptée par ce témoignage, Mrs. LeCount allait, pour ainsi dire, se voir contrainte à un excès de confiance. Appréciant, selon sa propre expérience, les incidents des trois dernières journées, sachant et sachant en pouvoir douter que la première idée d'aller à St. Croix avait été mise en avant par elle-même et que son maître n'avait depuis lors ni trouvé l'occasion ni manifesté le désir de faire savoir aux gens de North Shingles qu'il avait accepté la proposition faite par elle, Mrs. LeCount en était bel et bien réduite à reconnaître qu'elle n'avait pas le plus léger motif de persister dans les soupçons qui lui avaient fait redouter une trahison des plus graves. Repassant une à une, et au jour dont les éclairaient leurs résultats, les circonstances qui l'avaient inquiétée, elle n'y pouvait rien voir d'inexplicable ou de contraire. La tentative de vendre, comme originale des peintures contrefaites, était tout à fait en harmonie avec le caractère d'un individu tel que Mr. Bygrave. L'indignation de son maître, quand il s'était aperçu qu'on le voulait tromper, les soupçons qui lui avaient fait regarder Miss Bygrave comme complice de l'ignoble fraude, sa déception quant à la nièce, le mépris que sur le champ de parade il avait témoigné à l'oncle, le dégoût que lui avait inspiré tout à coup un séjour où il avait si étourdiment noué des relations avec des étrangers de mauvais aloi, et son empressement à le quitter dans cette matinée même, tous ces détails s'imposaient comme de solides réalités à l'esprit de la femme de charge, et cela pour une seule raison, décisive selon elle. Elle avait vu de ses yeux, Mr. Noel Vanstone quittait Aldborough sans même essayer de laisser derrière lui une seule trace qui permît au Bygrave de le suivre. Les conclusions de la femme de charge l'amenaient là, mais non plus loin. C'était une femme trop habile pour confier l'avenir aux simples combinaisons du hasard. L'humeur variable de son maître pouvait s'apaiser. Tel accident, à un moment quelconque, pouvait fournir à Mr. Bygrave l'occasion de réparer l'erreur par lui commise et de regagner habilement, dans l'estime de Mr. Noel Vanstone, la place dont il était déchu, tout en reconnaissant que les circonstances avaient fini par se déclarer bien évidemment en sa faveur. Mrs. LeCount n'en était pas moins bien convaincue que pour garantir d'une manière permanente la sécurité future de son maître, il faudrait toujours arriver à dévoiler complètement la trame ourdie contre lui. Elle y avait travaillé dès le principe, elle était encore bien décidée à parachever cette tâche ingrate. « Je me plais toujours à St. Croix, » pensait Miss LeCount, ouvrant son livre de ménage et classant les factures des fournisseurs. « L'amiral est un gentleman, la maison est un vrai château, la table est excellente, mais peu importe. Je resterai ici, toute seule, jusqu'à ce que j'aie pu visiter à mon aise la garde-robe de Miss Bygrave. » Elle restitua dans leurs diverses boîtes les curiosités appartenant à la collection de son maître, régla les comptes des divers fournisseurs et surveilla, pendant le reste du jour, le mobilier qu'on enveloppait. À la tombée de la nuit, elle sortit pour commencer ses investigations et, protégée par l'obscurité, se risqua dans le jardin de North Shingles. Elle vit éclairée, comme d'habitude, la fenêtre du salon et celle des chambres du haut. Après un instant d'hésitation, elle se glissa jusqu'à la porte de la maison et tourna sans bruit la poignée extérieure de cette porte. Ainsi que le lui avait fait pressentir l'expérience qu'elle avait des maisons d'Aldborough et de beaucoup d'autres établissements semblables, la porte s'ouvrait ainsi au moyen d'une poignée et pourtant la poignée résista. On avait donc poussé le verrou intérieur. Cette découverte une fois faite, Mrs. LeCount tourna la maison par un de ses côtés et alla s'assurer qu'il en était de même pour la porte de derrière. « À votre aise, Monsieur Bygrave, verrouillez vos portes tant qu'il vous plaira, » disait la femme de charge, regagnant d'un pas furtif le champ de parade. « Vous ne verrouillerez pas la poche de votre domestique. Une clé d'or ouvrira vos meilleures serrures. » Elle alla se mettre au lit. Le guet incessant, l'agitation sans relâche des deux dernières journées, avait déterminé chez elle une sorte d'épuisement. Elle se leva le lendemain matin à 7 heures. Une demi-heure après, elle vit Mr. Bygrave, toujours ponctuel, ainsi qu'elle l'avait déjà vu bien des fois à pareille heure, sortir du jardin de North Shingles, ses serviettes sous le bras, et se diriger vers un bateau qui l'attendait au bord de la grève. La natation était au nombre des talents que possédait le capitaine et qui rehaussait son mérite personnel. Il se faisait conduire au large tous les matins et se baignait loin du vulgaire dans l'azur des eaux profondes. Mrs. LeCount avait déjà plus d'une fois calculé à sa montre le temps occupé par cette récréation. Elle avait découvert qu'une heure entière s'écoulait ordinairement entre le moment où il s'embarquait sur la grève et celui où on l'y ramenait. Dans cet espace de temps, jamais elle n'avait vu aucun autre des domestiques de North Shingles quitter la maison. La domestique était sans doute dans la cuisine, retenue par son travail. Mrs. Bygrave était probablement encore au lit, et Miss Bygrave, en la supposant levée de si bonne heure, avait peut-être reçu l'injonction de ne se point aventurer dehors en l'absence de son oncle. La présence de Magdalen dans la maison figurait, depuis quelques jours, parmi les calculs de Mrs. LeCount, comme la seule difficulté à laquelle son adresse et mérite ne vit aucun remède. Assise près de la fenêtre pendant le quart d'heure qui suivit le départ du capitaine, l'imagination à l'œuvre et les yeux machinalement fixés sur North Shingles, Mrs. LeCount réfléchissait aux excuses qu'elle pourrait dépêcher par écrit à son maître, afin de rester quelques jours avant de le rejoindre, lorsque la porte de la maison qu'elle surveillait s'ouvrit tout à coup, et Magdalen en personne parut dans le jardin. Sa taille et son costume ne prêtaient à aucune erreur. Elle fit en hâte quelques pas vers la porte, s'arrêta et baissa le voile de son chapeau de jardin, comme si les brillantes clartés matinales semblaient trop vives à ses yeux délicats. Puis elle descendit rapidement sur le champ de parade et disparut dans la direction du nord, tellement pressée et tellement préoccupée qu'elle avait oublié de fermer derrière elle la petite porte du jardin. Mrs. LeCount s'élança de son fauteuil, doutant un instant du témoignage de ses propres yeux. L'occasion qu'elle avait si longtemps essayé de faire naître, et sans y parvenir jamais, s'offrait-elle maintenant, soudaine et spontanée? Après avoir si longtemps tourné contre elle, la chance se déclarerait-elle tout d'un coup en sa faveur? Il ne fallait pas en douter, selon la locution populaire, les alouettes lui arrivaient du ciel toutes rôties. Elle jeta son chapeau sur sa tête, sa mantille sur ses épaules, et partit pour North Shingles sans une minute d'hésitation. Mr. Bygrave en pleine mer, Miss Bygrave sortit pour aller se promener, Mrs. Bygrave et la domestique, toutes deux seules au logis, toutes deux faciles à tromper, l'occasion était trop belle pour s'exposer à la perdre. Le risque valait qu'on l'affrontât. Cette fois, la porte de la maison n'offrit pas de résistance. Personne, après le départ de Magdalen, n'avait poussé le verrou. Mrs. LeCount referma doucement cette porte, écouta un moment les bruits du corridor, et entendit la domestique occupée dans la cuisine au milieu de ses pots et de ses casseroles sonores. « Si mon heureuse étoile me conduisait tout droit dans la chambre de Miss Bygrave, pensait la femme de charge, gravissant à petit bruit l'escalier, je n'aurais besoin de déranger personne pour me glisser dans sa garde-robe. » Elle essaya d'ouvrir la porte la plus voisine du devant de la maison, à la droite du palier. Mais déjà, le hasard capricieux semblait ne plus lui sourire. Cette porte était fermée à clé. Mrs. LeCount ouvrit celle d'en face, placée à sa gauche. Les bottes symétriquement rangées et les rasoirs en évidence sur la table de toilette l'avertirent immédiatement qu'elle se trompait encore de chambre. Elle retraversa le palier, prit à main droite un petit corridor qui menait au fond de la maison et tenta de pousser une troisième porte. Celle-ci s'ouvrit et les deux femmes les plus différentes que l'on put trouver ici-bas, Mrs. Reig et Mrs. LeCount, se trouvèrent l'instant d'après face à face. « Je vous demande mille pardons, » dit Mrs. LeCount avec le sang-froid le plus consommé. « Dieu nous bénisse et nous sauve !» s'écria Mrs. Reig, paralysée par l'étonnement. Les deux exclamations furent poussées dans le même instant, et cet instant avait suffi à Mrs. LeCount pour prendre mesure de sa victime. Rien ne lui échappa qui fût de la plus minime importance. Elle remarqua sur la table cette robe de cachemire oriental, à moitié faite, à moitié décousue. Elle remarqua le pied maladroit de Mrs. Reig, cherchant à l'aveugle, tout autour d'elle, un soulier perdu. Elle remarqua qu'il y avait dans la chambre une seconde porte, outre celle par où elle était entrée, et qu'il se trouvait à sa portée un second fauteuil, dans lequel il pouvait être à propos de se laisser tomber, avec tous les dehors de la cordialité la plus confiante. « Pardonnez-moi, je vous prie, mon importunité, » dit Mrs. LeCount d'une voix suppliante, tout en s'emparant du fauteuil. « Souffrez que je m'explique, je vous le demande en grâce. » Parlant de sa voix la plus douce, et ne cessant d'examiner Mrs. Reig, un doux sourire sur ses lèvres insinuantes, une tendre sympathie au fond de ses beaux yeux noirs, la femme de charge débita son petit chapelet de mensonges préliminaires. Avec une candeur naïve, que le père de toute fausseté, Satan lui-même, lui aurait envié. Elle savait par Mr. Bygrave que Mrs. Bygrave était fréquemment très souffrante. Elle s'était sans cesse reprochée à Sea, dans les courts instants de loisir que lui laissaient ses travaux comme femme de charge de Mr. Noel Vanstone, de n'avoir pas offert à Mrs. Bygrave tous les beaux offices de l'amitié. Son maître, bien connu sans doute de Mrs. Bygrave comme l'un des amis de son mari et tout naturellement comme l'un des admirateurs de sa charmante nièce, lui avait enjoint de l'aller retrouver ce jour-là même dans la résidence qu'il avait choisie en quittant Aldborough. Elle était contrainte de partir de bonne heure, mais n'avait pu prendre sur elle de s'en aller sans être venue au préalable s'excuser de cette apparente incivilité. Elle n'avait rencontré personne dans la maison, et ne pouvant se faire entendre de la domestique, elle avait présumé, puisqu'elle ne trouvait pas cet appartement au rez-de-chaussée, que le boudoir de Mrs. Bygrave était peut-être à l'étage supérieur. Elle avait commis, sans le vouloir, une indiscrétion qui la rendait très honteuse, et n'avait plus à compter que sur l'indulgence de Mrs. Bygrave pour l'excuser et lui pardonner. Une apologie moins laborieuse aurait aussi bien convenu au vu de Mrs. LeCount. Dès que les perceptions difficiles de Mrs. Reig eurent embrassé ce fait, que la visiteuse inattendue était une voisine dont elle avait entendu parler maintes et maintes fois, tout son être s'absorba dans l'admiration que lui inspiraient les belles manières et la robe si bien faite de Mrs. LeCount. Comme elle s'exprime bien, pensait la pauvre Mrs. Reig, au moment où la femme de charge recoulait sa dernière période. Et sur la vie de mon âme, comme elle est bien mise. Je vois que je vous dérange, poursuivit Miss LeCount, qui employa la robe de cachemire orientale comme moyen d'arriver plus vite au but où elle tendait. Je vois que je vous dérange, madame, dans un travail qui, je le sais par expérience, exige l'attention la plus assidue. Miséricorde. Je m'aperçois que vous en êtes à découdre pour commencer l'ouvrage fait. « Encore un ennui que je connais bien, Mrs. Bygrave. Il y a des robes si obstinées. Il y en a qui semblent vous dire, mot pour mot, « Non, prenez-vous-y comme vous voudrez, je suis décidé à n'aller jamais. » Mrs. Reig fut singulièrement frappée de cette heureuse remarque. Elle éclata de rire et applaudit de ses grandes mains, excitées au plus haut point. « Voilà justement ce que cette robe me dit depuis le moment où j'ai mis les ciseaux, » s'écria-t-elle gaiement. Je sais que j'ai le dos étonnamment large, mais ce n'est pas une raison pour qu'une robe soit en main durant des semaines entières et ne finisse pas en somme par joindre aux épaules. Elle pend sur ma poitrine comme un véritable sac. Et puis, voyez-vous, madame, voyez l'ourlet du bas. Je ne puis le faire aller. Il tire par devant et gode par derrière. Il laisse voir mes talons, et Dieu sait que mes talons me jouent assez de tours sans qu'il soit encore besoin de les montrer par-dessus le marché. « Puis-je solliciter de vous une permission ?» demanda Mrs. LeCount sur le ton des confidences les plus intimes. « Voulez-vous m'autoriser, Mrs. Bygrave, à vous faire profiter de mon expérience ?»« J'estime, madame, que le corsage de nos robes est ce qu'il y a de plus difficile à réussir. Et maintenant, celui-ci, oserais-je dire en toutes lettres ce que j'en pense ? Ce corsage est une erreur colossale. »« Oh, ne parlez pas ainsi !» s'écria Mrs. Reig sur le ton de la prière. « Pour l'amour de Dieu, soyez bonne et ne parlez pas ainsi. Je ne nie pas qu'il y ait un peu d'ampleur, mais il, après tout, taillé fort exactement sur un corsage de Magdalene. La pauvre femme était beaucoup trop absorbée par le sujet qu'elle traitait pour s'apercevoir qu'elle venait de s'oublier, en mentionnant ainsi Magdalène sous son véritable nom. Les fines oreilles de Miss Lecount prirent note de la bévue au moment même où elle venait d'être commise. « À la bonne heure, » pensait-elle, « voilà déjà une découverte. Si jamais j'avais mis en doute la vérité de mes soupçons, l'honnête personne ici présente se chargerait de les confirmer. » « Je vous demande pardon, » continua-t-elle tout haut. « Ne disiez-vous pas que ceci était taillé d'après une des robes de votre nièce ?»« Oui, » répondit Miss Rigg, « les corsages se ressemblent comme deux gouttes d'eau. » « En ce cas, » reprit adroitement Miss Lecount, « il doit y avoir quelque grave méprise dans la manière dont est faite la robe de votre nièce. Pourriez-vous me la montrer ?»« Bénédiction du ciel, je crois bien !» s'écria Mrs. Rigg. « Venez de ce côté, madame, et s'il vous plaît, apportez la robe avec vous. » Quand on la laisse sur la table, elle glisse à terre par pur esprit de contradiction. Nous trouverons par ici, sur le lit, de quoi l'étaler tout à son aise. Elle ouvrit à ces mots la porte de communication et s'empressa d'entrer la première dans la chambre de Magdalène. Mrs. Lecount, tout en la suivant, jeta un coup d'œil sur sa montre. Jamais le temps ne lui avait paru courir aussi vite que ce matin-là. 20 minutes encore, et Mr. Bygrave serait rentré de son bain. « Voilà, » dit Mrs. Rigg, poussant la porte de la garde-robe et retirant une des robes qui s'y trouvait accrochée. « Veuillez regarder. Il y a des plis sur le devant de son corsage et des plis sur le devant du mien. 6 à l'un, 6 douzaines à l'autre, et les miens sont un peu plus larges, voilà tout. » Mrs. Lecount secoua gravement la tête et aborda sur le champ tout un ordre de considérations subtiles, touchant l'art de fabriquer une robe, lesquelles eurent pour effet, comme elle y avait compté, d'étourdir absolument en moins de 3 minutes l'infortunée à qui elle avait affaire. « Un moment !» s'écria Miss Rigg, implorant miséricorde. « N'allez pas si vite. Je suis distancé de plusieurs milles et ma tête commence à bourdonner. En toute simplicité, en toute charité, dites-moi ce qu'il faut faire. Vous parliez tout à l'heure du patron, peut-être suis-je trop forte pour ce patron-là. Mais qu'y faire, si cela est? J'ai pleuré bien des fois, pendant ma croissance, sur la taille que je prenais. J'ai une bonne moitié de trop, madame. En long ou en large, il faut bien l'avouer, j'ai une bonne moitié de trop, dans tous les sens. Vous vous faites tort, ma chère madame, protesta Mrs. Lecount. Laissez-moi vous assurer que vous possédez un extérieur imposant, l'extérieur d'une Minerve. La simplicité majestueuse qu'une femme a dans la taille exige impérieusement que la coupe de son vêtement soit empreinte de la même majestueuse simplicité. Les lois du costume sont classiques. Les lois du costume veulent être respectées. Des plis pour Vénus, des bouffants pour Junon, pour Minerve de large France. Je me permettrai de conseiller un tout autre modèle. Votre nièce a sans doute d'autres robes dans sa collection. Ne pourrions-nous trouver parmi elles, un patron qui convienne à Minerve. » Et tout en parlant ainsi, elle s'acheminait la première du côté de la garde-robe. Mrs. Rigg la suivit, et prenant les robes l'une après l'autre, secoua la tête d'un air accablé. Robes de soie, robes de mousseline se montrèrent tour à tour. La seule qui demeura invisible fut précisément celle que cherchait Mrs. Lecount. « Les voilà toutes, » dit Mrs. Rigg. « Elles peuvent aller à Vénus et aux deux autres. Je les ai vues ensemble sur les tableaux où elles n'avaient pas, entre elles trois, le moindre morceau de toile exigé par la décence. Mais certainement, elles ne m'iront pas à moi. »« Il reste encore une robe, très certainement, » dit Mrs. Lecount, montrant le fond du cabinet, mais sans y porter la main. « Je vois dans le coin quelque chose de suspendu, tout au fond, là, derrière ce châle foncé. » Mrs. Rigg écarta le châle. Mrs. Lecount poussa tant soit peu la porte de la garde-robe. Là, négligemment pendue au dernier crochet, là, reconnaissable à ses étoiles blanches et à son double volant, se retrouvait la robe d'alpaga brun. La soudaineté de cette découverte et ce qu'elle avait de décisif mirent complètement hors de garde, nonobstant ses habitudes de dissimulation, la rusée femme de charge. Elle tressaillit devant cette robe. L'instant d'après, ses yeux se détournèrent avec inquiétude du côté de Mrs. Rigg. Le tressaillement avait-il été remarqué? Non, il était passé entièrement inaperçu. Toute l'attention de Mrs. Rigg était fixée sur la robe d'alpaga qu'elle contemplait, les yeux grands ouverts, avec un incompréhensible effarement. « Vous paraissez alarmée, madame, » dit Mrs. LeCount. « Que voyez-vous donc de si effrayant au fond de cette garde-robe ?»« J'aurais donné un bel écu de ma poche, » répondit Mrs. Reig, « pour n'avoir pas jeté les yeux sur cette robe. » Elle m'était sortie la tête et voici qu'elle y revient. Recouvrez-la, s'écria Mrs. Reig, replaçant le châle par-dessus la robe, dans un accès de désespoir. Si je la regardais encore longtemps, je croirais me retrouver à Vauxhall Walk. Vauxhall Walk. Ces deux mots avertirent Mrs. LeCount qu'elle était sur la piste d'une autre découverte. Encore une fois, elle regarda sa montre à la dérobée. À peine 10 minutes lui restaient avant le moment où devait probablement revenir Mr. Bygrave, et pas une de ces 10 minutes qu'il ne put ramener sa nièce au logis. La prudence conseillait à Mrs. LeCount de se retirer sans rien hasarder de plus, mais la curiosité la cloua sur place et lui donna le courage de demeurer, à tous risques et périls, jusqu'à l'extrême limite du temps qui lui était accordé. Son aimable sourire devint quelque peu contraint et sembla, pour ainsi dire, se figer, tandis qu'elle cherchait à s'insinuer affectueusement dans la faible intelligence de Mrs. Reig. Vous avez gardé de Vauxhall Walk quelques déplaisants souvenirs, dit-elle, donnant à sa voix l'accent de la curiosité la plus sympathique. Ou peut-être est-ce de ce costume, appartenant à votre nièce, que votre mémoire est si désagréablement préoccupée. La dernière fois que je l'ai vue avec cette robe, dit Mrs. Reig, qui, prise d'une espèce de tremblement, s'était laissée tomber dans un fauteuil. Ce fut le jour où je revenais de courir les magasins et où m'apparut le fantôme. Le fantôme ? Répéta Miss LeCount, joignant les mains par un mouvement de gracieuse surprise. Ah, chère madame, que me dites-vous là ? Est-il donc au monde à chose pareille ? Où l'avez-vous vu ? À Vauxhall Walk ? Parlez ! Vous êtes la première personne à ma connaissance qui ait jamais vu un fantôme. Parlez donc, racontez, je vous en prie. Flattée par l'importance dont elle paraissait soudainement investie aux yeux de la femme de charge, Mrs. Reig entra tout au long dans le récit de sa surnaturelle aventure. L'attention concentrée avec laquelle Mrs. LeCount écoutait la description du costume sous lequel le spectre était apparu, le rapide passage du spectre sur l'escalier et la disparition du spectre dans la chambre à coucher, l'intérêt singulier que manifesta Mrs. LeCount en apprenant que le vêtement trouvé dans la garde-robe était justement celui que portait Magdalene en ce terrible moment où le fantôme s'était évanoui, encouragèrent Mrs. Reig à se noyer de plus en plus dans les détails et à s'empêtrer dans une multitude confuse de circonstances collatérales dont on ne prévoyait pas qu'elle pût sortir avant un laps de 2 ou 3 heures. Les inexorables minutes couraient cependant de plus en plus vite. De plus en plus proche était le fatal moment où Mr. Bygrave allait rentrer. Mrs. LeCount regarda sa montre une troisième fois, sans chercher pour le coup à dérober ce mouvement aux yeux de son interlocutrice. Il lui restait littéralement 2 minutes pour s'échapper de North Shingles. 2 minutes suffiraient, si aucun accident ne venait à la traverse. Elle avait découvert la robe d'alpaga. Elle s'était fait raconter dans le plus menu détail l'aventure de Vauxhall Walk. Et mieux que tout cela, elle s'était même informée du numéro de la maison, numéro dont Mrs. Reig se souvenait par hasard, attendu qu'il correspondait au nombre d'années dont se composait son âge. Elle avait donc fait tout ce qu'il fallait pour porter une lumière complète dans l'esprit de son maître. Eut-elle même le loisir de rester plus longtemps ? L'ajournement de son départ se trouvait désormais sans objet. « Je vais, » pensa la femme de charge, « je vais par un coup d'état, couper la parole à cette respectable idiote, et j'aurais disparu avant qu'elle soit remise. Voilà qui est horrible, s'écria Mrs. LeCount, interrompant le fantasmatique récit par un petit cri en fausset et se dirigeant vers la porte sans la moindre cérémonie à l'inexprimable étonnement de Mrs. Reig. Vous me glacez jusqu'à la moelle des os. Bonjour, madame. Bien le bonjour. À ces mots, elle jeta la robe de cachemire orientale dans le vaste giron de Mrs. Reig et quitta la chambre tout aussitôt. Comme elle descendait rapidement l'escalier, elle entendit se rouvrir une porte du premier étage. « Qu'avez-vous fait de votre savoir-vivre ? s'écriait une voix d'en haut qui, par-dessus la rampe, l'interpellait faiblement. « Que signifie cette façon de jeter une robe au nez des gens ? Vous devriez avoir honte de vous-même » poursuivait Mrs. Rigg, qui de brebis devenait lionne à mesure que lui entrait dans l'esprit, d'une manière plus nette, l'outrage subi par la robe de cachemire. « Oui, misérable étrangère, vous devriez avoir honte de vous-même » Poursuivi par cette apostrophe d'adieu, Mrs. LeCount gagna la porte de la maison et l'ouvrit sans rencontrer d'obstacle. Elle longea rapidement la grande allée du jardin, franchit la porte grillée, et quand elle se sentit en sûreté sur le champ de parade, s'arrêta pour regarder du côté de la mer. Le premier objet que ses yeux rencontrèrent fut la figure de Mr. Bygrave, immobile sur la grève, baigneur changé en pierre et ses serviettes sous le bras. Il suffisait d'un regard jeté sur lui pour s'assurer qu'il avait dû voir la femme de charge au moment où elle franchissait la porte de son jardin. Conjecturant à bon droit que la première impulsion de Mr. Bygrave le ramènerait dans sa maison pour s'enquérir de ce qui avait pu y survenir pendant son absence, Mrs. LeCount continua son chemin vers Sea View, avec autant de calme que si rien ne fût arrivé. Lorsqu'elle entra dans le salon où l'attendait son déjeuner solitaire, elle fut quelque peu étonnée de trouver une lettre déposée sur la table, à côté de son couvert. Elle s'approcha pour la prendre, avec un mouvement d'impatience, pensant qu'il s'agissait de quelque facture qu'elle aurait oubliée. C'était la fausse lettre arrivée de Zurich.